savent qui j'en coupe et sucré. Les vrais moyens rageux, super énervé. C'est vous-même qui savent calmer mon cœur désarmé. C'est vous-même qui savent calmer un cœur qui désarmé. C'est vous qui savez.